Voici votre bulletin régional. Activité interclub de la Saint-Patrice pour les clubs FADOC de Dodgewell le 17 mars de 13 à 16 heures. Ça se tient au local de Bishopton. La table de concertation des personnes aînées du Haut-Saint-François vous invite à un déjeuner-rencontre le 17 mars dès 8h30 au restaurant Le Flambant Neuf, 150 rue Ingus Sud, East Angus. Le thème de la rencontre est « En vieillissant, tout le monde veut votre bien, mais quel bien ? Gérer, utiliser ou donner ses biens ?» L'expérience se répète le 19 mars au restaurant Le Coq du Bonheur, 245 rue principale, Weedon, secteur Saint-Gérard. Troisième clinique impôt, offerte gratuitement par le Centre d'action bénévole du Haut-Saint-François, à Weedon, le 18 mars de 9h à midi et de 13 à 16h, au Centre d'action bénévole du Haut-Saint-François, 209 des Érables, local 314. Troisième clinique également à Sawyerville, le même jour, de 13 à 16h et de 18 à 20h, à la salle communautaire de Sawyerville, 6 rue Church. Troisième et dernière clinique impôt à Cookshire le 19 mars, de 9h à midi, au Centre d'action bénévole 55 Craig Nord, au local du journal. À Scotstown, le même jour, de 9h à midi et de 13 à 16h, au bureau municipal, 101 Victoria West, les citoyens sont invités à venir chercher les documents qu'ils y ont laissés le 12. Vie active débute à Newport. Pour les 50 ans et plus, exercice adapté, une fois par semaine, à partir du 18 mars. Ça se déroule à l'hôtel de ville de Newport à 13h30. Inscription au 819-560-8565. Le 18 mars à 19h, défilé de mode à la polyvalente Louis-Saint-Laurent de East Angus. Se tiendra le 19 mars une conférence sur la maladie d'Alzheimer et autres maladies neurodégénératives s'adressant aux proches aidants de personnes aînées à la salle de la FEAS de Cookshire, 220 Principal Est. La conférence, donnée par Nathalie Auger, de 18 à 19h30, sera précédée d'un repas boîte à lunch de 17 à 18h au coût de 7$. Pour y assister, on doit absolument réserver au 819-560-8540.